بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc on continue, bismillah ta'ala. Désolé pour les changements de programme constamment. C'est à cause du rythme de vie qu'il y a ici qui me contraint des fois à devoir changer mon planning, malheureusement. Mais il n'est pas impossible que cela se reproduise une fois de plus. Mais bon, pour l'instant, cette semaine, ce sera comme cela. Enfin, nous voici, le business là. Yaqul. Fais-y, yaqul alak. C'est la 18e question. Min aina yakhuz al-muslim dinahu. Si on te demande d'où est-ce que le musulman doit prendre sa religion. فقول يأخذ المسلم دينه من القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. Donc tu dis le musulman il prend sa religion du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs des salaf salih. Premièrement concernant le Coran, الدليل قول الله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre qu'il aurait récité? À ces premiers versets. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et si vous vous disputez sur une chose, vous êtes en divergence, renvoyez-la à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc l'envoyer à Allah, ça veut dire quoi? L'envoyer à son livre, Subhana, et l'envoyer au messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'était de son vivant, les sahaba revenaient vers lui, et après sa mort, on vient à sa sunna, ce qui est resté authentique de sa sunna. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawlu ta'ala sirat al-lazina an'amta alayhim ghayl maghzubi alayhim wa la-dhalin. Dans le sens où Allah dit, dans le Fatiha, guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, pas de ceux qui ont subi ta colère ni des égarés. Donc le chemin droit, c'est le kitab, la sunna. Et le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, ce sont les croyants droits. وقوله تعالى ومن يشكك رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et celui qui fait scission d'avec le messager après que la guidée lui soit venue et qui suit un autre chemin que celui des croyants, nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc là, ce verset, il est clair qu'il est interdit de diverger avec la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le verset, lorsqu'il dans le sens où il dit et qui suit un autre chemin que celui des croyants, il s'agit là des sahaba de l'époque, qu'on suit une autre voie que la leur. Naam. Donc eux, les sahaba, c'est une condition qui est importante de suivre la religion selon leur compréhension, car ils sont des gens qui ont reçu les éloges d'Allah, azawajel, et qui étaient les meilleurs des hommes, et qui étaient vivants, et qui ont vu la révélation descend sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont su pour quelle raison elle est descendue, comment elle est descendue, en quelles circonstances. Donc ils sont savants. Donc on doit recevoir la religion comme eux l'ont comprise. Car aujourd'hui les gens divergent sur beaucoup de points. Et notre point de retour, c'est le Coran, la Sunna, et comprendre ces deux-là avec la compréhension des meilleurs des hommes qui étaient les Sahaba. Radiallahu anhum. Ajma'in. Sumaqal. فإذا قيل لك ما عقيدتك. Donc 19e question, si on te demande quelle est ta croyance, ta aqida. فقل انا سني سلفي. انا سني سلفي. Dis je suis sunni salafi. C'est-à-dire sunni qui suit la sunna et salafi qui suit cette sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et à la base la sunna, guess, c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ou a dit ou a agréé. C'est-à-dire des choses que lui n'a pas faites directement, mais que des sahaba ont fait et que lui a agréé et a approuvé. Et ça, c'est la sunna. Donc maintenant, c'est quoi le dalil de cette question, le fait de dire qu'on est sunni salafi? C'est le hadith de l'Irbad ibn Sa'adiyya. Le fameux hadith, « Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل نبي عليه الصلاة والسلام a dit tenez-vous à ma sunna. Donc de là tu deviens sunni. Et la sunna des califs bien guidés, qui sont les salaf, d'accord, qui sont les meilleurs des salaf, les quatre califs bien guidés qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum, qui étaient les meilleurs des sahaba et les meilleurs des hommes après les prophètes. Donc ce sont nos salaf, nos prédécesseurs. Qal, tenez-la fermement, c'est-à-dire la sunna, avec cette compréhension, et mordez-y avec les molaires, c'est-à-dire fermement. Car les molaires sont les dents les plus solides et les plus qui ont le plus de pression dans la mâchoire. Et prenez garde aux choses inventées dans la religion. Car toute invention est innovation, c'est-à-dire bid'a, et toute innovation est un égarement. Naam. Donc là, il dit bien que toute innovation est un égarement, ce qui réfute la parole de certains qui disent qu'il y a des bonnes et des mauvaises innovations. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit, toute innovation est un égarement. Et les bid'a sont interdits dans l'absolu, en religion. Et la bid'a qui évolue, c'est ma hasala ba'd maut an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qusida bi at-ta'abbud wa lam ya'mal bih wa wala ashabu. Taïeb de son vivant. C'est tout ce qui s'est déroulé en religion après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chose par laquelle on cherche le culte. Alors, ce sont des choses qui sont liées à la religion. Tout ce qui était inventé. Ma ordissa, j'ai dit hasala, c'est ordissa. Bar de monte Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc c'est là, le muslim, il est, de base, on est muslim. Mais avec tout ce qui se passe, comme divergence, et comme scission, et comme désaccord, alors tu précises que tu es sunni. Également salafi. D'accord? Et ce mot, il a une origine, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li bintihi, Fatima, ni'ma salaf analaki. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Fatima? Quel bon prédécesseur je suis pour toi. Donc le salaf, on l'a, à la base, ce sont les sahaba. Après, cela s'applique sur les tabirines, c'est-à-dire ceux qui ont connu les sahaba, mais qui n'ont pas connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis, adba et tabirine, ceux qui ont connu les sahaba, mais qui n'ont pas connu eux-mêmes les sahaba. Et ensuite, cela s'applique à tous ceux qui étaient avant nous, qui étaient sur la droiture. Même un savant contemporain qui soit mort, il s'imposerait comme étant un salaf. Voyez. Et salafi, le i là, c'est d'appartenance. Il y a un nasab pour dire que tu t'apparentes à eux. D'accord. Par exemple, ce i là, tu vas le voir dans les pays. Un tas d'une faransa, tu es de la France. En France, on va dire tu es français. Ou en arabe, on va dire un tas faransi. D'accord. Ce i là qui vient à la fin vient pour démontrer une appartenance, une affiliation au pays, à toute chose. Donc là, quand tu t'apparentes au salaf, tu dis salafi. Donc ce n'est pas une chose qui est mauvaise, et ce n'est pas une secte, ce n'est pas un groupe égaré, ni rien du tout. Mais c'est al-firqa al-na'jiya, c'est le groupe sauvé. Non. Thumma qal, fa idha qila lak man awwal ar-rusul ila ahli al-ard wa man akhiruhum. Donc dans la 20e question, si on te demande qui est le premier messager envoyé aux gens de la terre et qui est le dernier. فَقُولْ أَوَّلُهُمْ نُوحْ عَلِي السَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَأَخِلُهُمْ وَأَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَبِيَحْثَتُهُ أَوَّلِ الْعَلَامَاتِ السُّغْرَى لِلسَّاعَةِ وَيَجِبَ عَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِهِمْ جَمِيعًا. Donc dit le premier, c'est Nuh, عَلِي السَّلَامِ, celui qui est nommé Noé, souvent. Et le dernier, et le meilleur des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et son envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le premier signe mineur de l'heure. Et il nous est obligatoire d'avoir la foi en tous les prophètes. Et on a déjà expliqué qu'il y a une différence entre prophète et messager. Le premier prophète, c'est Adam. Et le premier messager, c'est Noé. Et tout messager est forcément prophète, et ce n'est pas tout prophète qui est forcément messager. Non. Donc maintenant, il va citer les adillah. Déjà, fi hadith أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل المحشر يوم القيامة، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسمك الله عبدا شكورا. Donc dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dira à propos des gens du Mahshar, c'est-à-dire les gens qui attendront le jugement, le jour de la résurrection, ils iront tous voir Nour, ces gens-là, pour lui demander qu'il intercède pour eux. Et ils diront, ô Nour, tu es le premier messager aux habitants de la terre, et Allah t'a nommé serviteur reconnaissant. Donc ce hadith, il est clair. Car dans le verset dans le Coran, Allah dit, inna uhayna ilayka kama uhayna li Nuhi un Nabi min ba'di. Dans le Coran, Allah dit, nous avons certes révélé à toi, tout comme nous avons révélé à Nour, ainsi que aux prophètes après lui. Souvent, les gens se servent de ce verset pour dire que Nour est le premier messager, mais le verset n'est pas clair en soi, réellement. Mais ce hadith-là, il est clair. Et le hadith, il est authentique, muttafaqun alayhi. Et quant au fait de dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier d'entre eux, al-dalil qawlullah ta'ala, ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullah. Que Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes. Donc, à Zalik, il y a un hadith Thauban, radiallahu anhu, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Khatim al-Anbiya, la Nabiya Ba'di. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je suis le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier, celui qui va cloître. La prophétie et le message. Et il n'y a pas de prophète après moi. Donc toute personne qui viendra prétendre la prophétie après lui sera un menteur. Et plusieurs gens sont venus pour le faire. Ils sont tous des menteurs. D'accord ? Tous des menteurs, des imposteurs. Plus de prophète après lui. Et il a été dit de son fils Ibrahim, qui est mort en bas âge, le fils dont la mère était Maria al-Qabtiya, de sa servante Maria la Copte. Lorsqu'il est mort, Ibrahim, il dit qu'il était mort alors qu'il avait 18 mois. Qala ibn Abbas, law aasha lakana nabiyyan. Si jamais Ibrahim avait vécu, il aurait été un prophète. Mais il n'a pas vécu. Donc le dernier prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve qu'il est le meilleur des prophètes, hadith Abi Huraira, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, parce qu'il n'y a pas le truc en arabe là dans l'application. Ana sayyid an-nas yawm al-qiyamah. Muttafaqun alayhi. Qui dit, je suis le maître des hommes le jour de la résurrection. Et la preuve qu'il est le premier signe mineur de l'heure, le hadith de Sa'd ibn Sa'd, radiallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بأصبعه متفق عليه. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم j'étais envoyé moi ainsi que l'heure de cette façon. Et il a indiqué avec ses doigts, c'est-à-dire il a lié entre ses deux doigts pour indiquer une liaison. كذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى متفق عليه. Et dans un autre hadith qui ressemble à celui-ci, le prophète Mohammed, il a dit « J'étais envoyé un mois ainsi que l'heure, comme ces deux-là. » Et là, il a joint entre le majeur et l'index. Pour dire « lié ». Non. « وَالدَّلِيلُ أَنَّوْ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِهِمْ جَمِيعًا وَأَنَّ مَنْ كَفَرَ بِأَحَدٍ مِّنْهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِهِمْ جَمِيعًا. Et la preuve qu'il nous est obligatoire d'avoir foi en eux tous, et que celui qui mécroit en un seul d'entre eux a mécru en tous, la parole d'Allah, dans le sens, en arabe, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ قُولُنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بِنَ حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. Dans le sens où Allah, il a dit, le messager a cru en ce qui lui est descendu de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Ils ont tous cru. Tous ont cru en Allah, ses anges, ses livres et ses messagers, en disant, nous ne faisons pas de différence pour aucun de ces messagers. Et de nombreux versets sont venus dans ce sens-là. Et on l'a dit également parmi les piliers de la foi, dans le hadith de Jibril, de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et au destin, qui sont bons ou mauvais, au jour dernier. Donc on doit croire en tous les messagers. D'où la différence qu'il y a entre nous, les gens du livre. Les Yahouds, eux, se sont arrêtés à Moussa. Et n'ont pas cru en Isa. Les Nasara, eux, ont cru en Isa, mais n'ont pas cru en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, les musulmans, on a cru en tous. Donc, ce qui prouve que leur fait qu'il n'est pas, le fait qu'il n'ait pas mécru, qu'il n'ait pas cru, en fait, je veux dire, aux prophètes qui ont suivi, et aux messagers qui ont suivi, eh ben, ils n'ont cru en personne, en réalité. Car mécroire en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, revient à mécroire en Isa, et en Moussa, et en tous les messagers. Nulle différence. وقال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers, c'est-à-dire une différence séparée, et qui disent nous croyons en certains, nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin entre les deux, ceux-là sont les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Non. Donc croire en tous les prophètes est obligatoire. Le premier d'entre eux, des messagers, c'est Nuh, alayhi salam, et le dernier, c'est Mohammed, sallallahu alayhi salam. Thumma qal, 22e question, faizir qilalak, ma ta'alifu al-tawhid al-lazi jami'a al-rusul yad'ouna ilayhi. Si on te demande quelle est la définition de l'unicité, le tawhid, à laquelle tous les messagers ont appelé. Faqul wa ifradullahi bil ibadah. Cela signifie d'unifier Allah dans l'adoration. Car les messagers, c'est à cela qu'ils ont appelé. Hein? Ils ont tous appelé au tawhid de l'adoration. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et éloignez-vous du Tarut. » Donc c'est à ça que les prophètes ils ont appelé. Tous. Ok, Zalik. Parce qu'il y a, une erreur dans l'application. D'ailleurs, ce verset que je viens de citer dans l'application, il n'y est pas. Ah non, j'ai sauté la 21e question. Enfin, j'ai sauté la 21e question. En premier lieu. Non, c'est cela. C'est-à-dire qu'il est lec. Jamais Rasoul, il est maza yad'oun al-nas. Si on te demande à quoi l'ensemble des messagers ont-ils appelé les gens, faqul yad'ounahum ila ibadatillah wahdahu la sharika lah. Qui les ont appelés à l'adoration d'Allah seul et sans associé. Non. Et c'est là que le verset que j'ai cité en était la preuve. Ensuite, cette 22e question. Maintenant, c'est quoi? C'est quel est ce tawhid? C'est quoi sa définition? D'accord? Auquel ont appelé tous les messagers. Donc, c'est unifier Allah, Azzawajal, dans l'adoration. Unifier Allah, Azzawajal, dans l'adoration, que tout ce qu'on fasse comme acte d'adoration ne soit vu qu'à lui exclusivement. Donc, comme encore le Ta'ala, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِشَيْئَ et adorer Allah et ne lui associe rien. وَكَذَلِك là, vous voyez, dans la seconde application, vous voyez qu'il y a une erreur, c'est écrit en anglais. Parce que le frère à la base qui a fait l'application, en premier lieu, il l'avait fait en anglais, c'est un frère indien en fait, un frère d'Inde qui l'avait fait, il l'avait fait en anglais. Et après, on a dû lui envoyer la traduction en français faite par notre frère Mouaz, Ayoub Abou Mouaz. Et après, il l'a recopié, mais il a eu des petites erreurs. Par exemple, ici, là, c'est resté en anglais. Et même dans l'ordre des versets, il y a un problème. Là. Il y a un bug. Et كذلك من الأدلة قل هو الله أحد. Dit, il est Allah unique. Donc l'unique implique que l'adoration ne soit que pour lui. La seule et unique divinité. ثم قال 23e question et dernière question du ders. فإذا قيل لك كم أقسام توحيد الله عز وجل؟ Si on te demande en combien de parties se décompose l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقل ثلاثة أقسام توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Donc il dit ce توحيد, cette unicité se divise en trois parties. توحيد de la seigneurie, الربوبية, qui est le fait d'unifier Allah dans ses actes. توحيد الألوهية, qui est le توحيد de l'adoration, qui est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. C'est celui-là auquel tous les prophètes ont appelé. Et troisième, توحيد الأسماء والصفات, qui est le توحيد des noms et attributs, qui est le fait d'unifier Allah عز وجل dans ses noms et attributs. Qu'il ne soit attribué qu'à lui, qu'il ne soit, que seul lui soit nommé par ces noms-là. والدليل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux. Et là il y a une erreur dans l'application, il y a ce verset a été mis comme étant le premier verset d'Al-Fatiha et en fait c'est le verset de Sourate Al-Naml dans les fourmis, c'est un verset, alors que dans le Fatiha Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la Bismala n'est pas un verset. Le Fatiha commence directement par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc là, il y a une erreur également. Ce qui est voulu par là, c'est le verset qui est dans Surat An-Naml. Donc ce verset-là, il dit bien au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc cela implique Tawhid et l'Asma wa Sifat. Wa qawlu la Azza wa Jal, رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر عبادته هل تعلم له سميا. Dans surat Maryam, dans le sens où il a dit, et il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de ceux qu'il y a entre eux, adore-le et sois patient, c'est-à-dire constant dans son adoration, le connais-tu donc un semblable, un homonyme. Donc regardez bien, ce verset-là, lui, il comprend tous les gens de Tawhid, Seigneur des cieux et de la terre, ça c'est Ar-Rububiyya, seigneurie. Adore-le et sois patient et constant. Ça, c'est Oluhiya, de l'adoration. Le connais-tu, un semblable, un homonyme, ça, c'est Asma wa Sifat. Et également, Seigneur des cieux de la terre, Rabbis Samawati al-Ar, ça rentre également dans Asma wa Sifat. Et dans le Fatiha, on a également les trois formes de Tawhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, l'ange Allah, Seigneur des mondes, ça, c'est Ar-Rububiyya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ça, c'est l'asma wa sifat, maliki yawmiddin, ça ça rentre également dans l'asma wa sifat et dans ar-rububiyya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous invoquons, que nous adorons, et c'est auprès de toi seul que nous cherchons de l'aide. Ça c'est tawhid, al-ibada, ru'uhiyya, uluhiyya, de l'adoration. Naam. Tayyib, hada alladhi akhadna al-yawm min hada ad-dars, naktafi bi hada al-qadr, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.